Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Louis Fréchette entre la poésie romantique et le conte populaire. Joue au violon, c'est finalement c'est le vrai maître. Il y a Hugo, il y a Papineau, mais le vrai maître de Fréchette, celui qui va lui donner du génie et nous redonner finalement aussi notre génie. Si Fréchette avait été privé d'aller assister aux veillées de conte de Joe Violon, c'est toute la littérature québécoise qui aurait été privée, possiblement, de son plus beau fleuron. L'historien et dramaturge Jean-Claude Germain à l'émission L'Aventure en 1991, entre le poète national qu'il est devenu et le conteur truculent qu'il a également été, l'homme de théâtre Jean-Claude Germain n'hésite pas une seconde, il choisit Fréchette le conteur. Peu importe le Fréchette que l'on préfère, il reste que Louis Fréchette demeure l'un de nos grands poètes nationaux et qu'il est le premier de nos auteurs à avoir été reconnu par l'Académie française dès 1880. Félix Poutré, un drame historique de Louis Fréchette, découpage radiophonique de Louis Milquert. La rue Saint-Jean-Baptiste à Montréal en 1838. Il fait nuit, le traître, Kamel et un policeman parlent à voix basse. Policeman, vous voyez cette porte là-bas? Oui, monsieur. C'est là. Venez en force à minuit. Tous les patriotes seront rassemblés. Mais... vous aurez soin de me protéger si l'on veut porter la main sur moi, n'est-ce pas? Les brigands sont armés et pourraient bien résister chaudement. Soyez tranquille, monsieur. Dans quelle partie de la maison seront-ils assemblés? Vous y serez conduit. Comme l'usage de toute lumière est défendu dans les corridors, on ne verra vos uniformes que lorsque vous serez introduit dans la salle des séances. Mm-hmm. Bon, le mot d'ordre est « vengeance et liberté ». Au mot « qui va là », vous répondrez « Brutus ». Bien, monsieur. Voilà qui est convenu. À minuit. À minuit. C'est un extrait de l'adaptation radiophonique de la pièce de Louis Fréchette, Félix Poutré, présentée en 1972, que vous venez d'entendre. Et pour nous parler de l'œuvre, du parcours également de Louis Fréchette, je reçois l'écrivain Claude Lacharité, qui est également professeur de littérature à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Louis Fréchette fait partie, avec quelques autres, Émile Nelligan, Octave Crémazy, de nos grands poètes nationaux du 19e siècle. Où le situez-vous, Fréchette, dans ce trio-là, par exemple? Bien, c'est le premier vrai poète national consacré par une reconnaissance à l'étranger. Hein. Je pense que c'est vraiment, si on devait établir une autre filiation, ce serait le premier d'une série de trois. Après Fréchette, il y aurait Félix Leclerc et puis Gilles Vigneault. Hein. Évidemment, ouais. Je fais un grand saut dans le temps, mais je pense qu'il a effectivement cette importance-là dans le Québec du 19e siècle. Mais pour ce qui est de ces deux comparses, donc, qui sont dans une... pas assez contemporain tout à fait, mais en tout cas, on est au 19e siècle, il est... je pense qu'on peut dire qu'il est, par rapport à Crémazy, par rapport à Nelligan certainement, il est moins connu. Pourquoi? Bien, je pense qu'il a un côté un petit peu, je dirais, poète officiel, avec une certaine emphase dans sa poésie qui est parfois un peu grandiloquente, qui fait qu'aujourd'hui, c'est certainement un poète qui parle moins au lecteur que Nelligan, assurément, qui est lui un poète de l'intimité, qui reste, je pense, un poète qui reste toujours intéressant et touchant pour les lecteurs d'aujourd'hui. Et Crémazy, lui, ben, il est le premier. Il est le premier à célébrer les grands épisodes glorieux de l'histoire nationale. Donc, c'est un poète qui a peut-être moins bien vieilli que Nelligan, mais je pense qu'il a l'avantage sur Fréchette d'avoir été le premier. Ouais. Parlons un peu, avant de s'attaquer à son œuvre comme telle, de la vie de Louis Fréchette, parce que c'est pas banal, ça non plus, Claude Lacharité. Il va recevoir un prix important de l'Académie française, mais quelques années plus tôt, il est en faillite, il doit s'exiler, forcé de s'exiler aux États-Unis. C'est quand même pas rien, ça donne une idée de cette vie vraiment pas banale qu'il aura. Comment ça va se passer pour lui? Quel genre de vie a Louis Fréchette? Oui, effectivement, avant 1880, on peut dire qu'il a une existence assez rocambolesque. Hein? Il ouais. naît à Lévis en 1839. Il va, en fait, dans un premier temps, tenter de s'établir comme avocat dans sa ville natale de Lévis. Mais malheureusement, il va aller d'échec en échec. Il va essayer aussi de fonder des journaux au point d'être presque acculé à la faillite. Et plutôt que d'être emprisonné pour dette, il va décider de s'exiler à Chicago pendant 6 ans, de 1866 à 1872. Lorsqu'il rentre en 1874, il se fait élire comme député libéral, mais là encore, sa carrière politique va être de très courte durée parce qu'il sera incapable de se faire élire aussi bien en 1878 qu'en 1884. Mais effectivement, hein, l'obtention du prix Montyon de l'Académie française en 1880 va tout changer dans sa vie. Il va devenir vraiment le premier grand poète national de la littérature québécoise. Alors parlons-en de ce poète. Il va écrire autre chose que de la poésie. Jean-Claude Germain nous rappelait au tout début de l'émission qu'il fera dans le conte aussi. Mais commençons par le poète, d'autant que je pense que lui-même se considère d'abord et avant tout comme un poète. Quelle place ça va occuper, la poésie, dans sa vie et dans son œuvre? Oui, effectivement, c'est absolument central. Il va commencer à écrire de la poésie très tôt, à l'époque où il est encore étudiant en droit à Québec. Il vit dans une mansarde, dans une sorte de chambre de bonne sous les toits de la rue du Palais à Québec, où il réunit des amis qui aiment particulièrement boire et faire la fête. Il y a une sorte de petite bohème littéraire qui existe à l'époque à Québec. Et dès 1863, il publie son premier recueil qui s'intitule « Mes loisirs » et il va continuer à publier régulièrement des recueils de poésie, aussi bien en exil que lorsqu'il revient au pays. Par exemple, « La voix d'un exilé » qu'il va faire paraître à partir de Chicago entre 1867 et 1869. Il va faire paraître un nouveau recueil qui s'intitule « Pêle-mêle » en 1877, un recueil qui s'intitule « Feuilles volantes » en 1890. Mais le recueil qui marque vraiment un point tournant s'intitule « Les fleurs boréales » qu'il fait paraître en 1879 et c'est pour « Les fleurs boréales » qu'il obtient donc le prix Montyon de l'Académie française. Ouais. C'est véritablement donc une poésie romantique hein, qui célèbre la grande nature et en même temps la nation canadienne-française. Et ça, c'est la consécration, évidemment. Donc, c'est à Paris et par Paris que viendra le succès et la consécration. On écoute à nouveau le dramaturge et historien Jean-Claude Germain nous raconter un peu cet épisode parisien et cet épisode autour du prix Montyon de l'Académie française, extrait de l'aventure en 1991. En 1880, par contre, Oiseaux de neige et fleurs boréales sont publiés à Paris. Et là, ce fut un spectacle inoubliable, grand et fier pour le Canada que ce contact glorieux des feuilles de laurier aux feuilles de nos érables. Vous n'avez pas encore compris, là, on va vous l'expliquer en clair. En 1880, l'Académie française, rien de moins, immortalise Louis Fréchette en le couronnant et en lui accordant un prix Montyon. Puis là, il faut dire que les Français sont pas trop cheap. 2500 francs. C'est pas pire, ça. À l'époque, c'est de l'argent. Fréchette assiste à la cérémonie parce qu'il se rend à Paris pour recevoir le prix le 5 août 1880 à la grande séance publique annuelle. Alors là, Hello David, qui habituellement est son porte-parole, son turiféraire, mais là, il délire complètement. Tous les journaux, avez-vous compris, là, tous les journaux de la France ont célébré à l'envi comme un événement national, l'événement national français. C'est probablement trois lignes, là, quelque part, dans un journal français, mais ça fait rien. Hello, lui, il l'a vu comme étant un moment important. Et d'ailleurs, c'est important, parce que c'est la première fois que l'Académie française reconnaissait un poète canadien. Donc, c'est donc en 1880, Claude Lacharité, que Louis Fréchette reçoit le fameux prix Montyon de l'Académie française pour son recueil « Les fleurs boréales ». Quelle importance ça va avoir, ce prix-là, pour lui? Puis d'abord, pourquoi on lui remet ce prix? C'est pas rien, quand même, l'Académie. C'est la première fois que l'Académie française remet un prix à un Québécois. Effectivement, c'est très important. Hein? C'est d'ailleurs ce qui va consacrer sa réputation de poète national. Le prix Montyon, en fait, est remis annuellement par l'Académie française. C'est un prix qui existe encore, d'ailleurs, même de nos jours. C'est un prix qui était au départ remis aux auteurs français d'ouvrages les plus utiles aux mœurs et recommandables par un caractère d'élévation et d'utilité morale. Hein. Ah bon. Je cite la définition qu'on trouve encore aujourd'hui sur les sites Internet de l'Académie. Mais en réalité, au 19e siècle, il va y avoir un petit changement. Au fond, on va attribuer le prix tantôt pour, effectivement, une œuvre morale et tantôt aussi pour récompenser une œuvre en raison de ses qualités littéraires. En 1880, lorsque Fréchette obtient le prix pour son recueil « Les fleurs boréales », c'est vraiment pour ses qualités littéraire et non pas pour l'utilité morale de sa poésie. Mais comme Fréchette va avoir un certain nombre d'ennemis, on va évidemment s'amuser du fait que c'est un mauvais poète, mais c'est un poète bien pensant et on a voulu donc recommander en fait son œuvre pour sa contribution à la morale et non pas à la littérature. Alors ça reste un prix, disons, assez mineur de l'Académie française, mais le plus important, c'est que c'est un prix remis par l'Académie qui reste peut-être l'institution la plus prestigieuse, celle qui a survécu, la seule qui a survécu à la Révolution française. Et c'est la première fois donc qu'un écrivain de chez nous est reconnu par une institution aussi prestigieuse. Et pour lui, évidemment, c'est la consécration, c'est important. C'est là qu'il acquiert ce statut de grand poète national. Puis il va un petit peu se vautrer là-dedans. Parlez-moi de ça, au fond, l'impact que va avoir le prix sur sa vie, sur sa carrière, et même sur son écriture. Oui, effectivement. Alors, c'est un succès très important. Tout le monde va célébrer Fréchette ici au Québec, même celles et ceux qui ne l'ont pas forcément lu. En fait, on se projette en lui, on se reconnaît en lui. On est très heureux de voir que la France reconnaît enfin son ancienne colonie, surtout dans un domaine aussi étonnant que la littérature. Et en fait, Fréchette va, à partir de là, considérer qu'il a une sorte de mission à remplir auprès de la nation canadienne-française. Et il va se mettre, entre autres, à célébrer l'histoire canadienne-française. Il va s'inscrire, en fait, dans une tradition qui avait déjà été inaugurée par l'historien François-Xavier Garneau avec la publication d'Histoire du Canada en 1845. Ou encore, on peut penser également à Philippe-Aubert de Gaspé et son roman historique Les Anciens Canadiens en 1863. Louis Fréchette va apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice, en publiant en 1887 un recueil de poésie épique, La légende d'un peuple, qui est en fait structuré en trois parties. Une première partie consacrée à la Nouvelle-France, une deuxième partie consacrée à la guerre de conquête et une troisième partie consacrée au régime anglais. Ce recueil va connaître un succès considérable. Ça va même être, je dirais, un recueil qui va être enseigné dans les classes à l'époque, ce qui fait de Louis Fréchette l'un des premiers poètes classiques au sens strict et premier du terme, c'est-à-dire enseigné en classe. Il reste que cette reconnaissance qu'il a, cette très grande reconnaissance, cette stature, ça gêne, ça cultive peut-être certaines animosités, peut-être certaines jalousies aussi, ce qui fait qu'on va commencer... Il y aura une petite cabale de dénigrement à l'endroit de Louis Fréchette. Qui fait partie de cette cabale et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on colporte à propos de Fréchette? Effectivement, c'est un prix qui polarise beaucoup. Fréchette est autant admiré que franchement détesté. Et je dirais que l'un de ceux qui va combattre Fréchette avec le plus de pugnacité, c'est un certain William Chapman qui va publier dans les journaux d'époque un certain nombre de textes pour dénoncer ce qu'il considère comme l'imposture de Fréchette. En 1894, il va même réunir l'ensemble de ses articles dans un livre qui s'intitule « Le lauréat, critique des œuvres de M. Louis Fréchette ». Et toute sa démonstration, en fait, consiste sur l'idée que Fréchette serait ni plus ni moins qu'un vulgaire plagiaire, qui se serait contenté de reprendre les meilleurs vers des poètes français contemporains, et en particulier de Victor Hugo. Et il multiplie les rapprochements textuels en mettant donc dans une colonne les poèmes de Fréchette et dans l'autre colonne tel ou tel passage de tel ou tel poète français contemporain. En réalité, la démonstration est plus ou moins convaincante. En fait, ce que ça nous montre essentiellement, c'est que Fréchette est un fin connaisseur de la poésie de l'époque, qu'il a beaucoup lu les poètes français, et je pense que c'est tout à son honneur, parce qu'en réalité, il ne reprend jamais tel quel un vers entier. Il se contente de reprendre telle métaphore qu'il aime bien, telle rime à tel ou tel auteur. Et je crois que c'est tout à fait normal dans le contexte du 19e siècle, à une époque où on apprend à écrire en imitant les meilleurs auteurs. Le vrai problème, en fait, c'est que Fréchette, c'est d'abord et avant tout un libéral. Dans un contexte où le Québec est beaucoup, conservateur, même ultramontain, et William Chapman, en fait, cherche à régler ses comptes avec Fréchette, probablement davantage parce qu'il n'est pas d'accord avec ses idées libérales que parce qu'il n'aime pas sa poésie. Il faut dire que Fréchette lui-même est un polémiste redoutable. Et il était normal, quelque part, qu'on lui rende la monnaie de sa pièce, qu'on lui rende la politesse en l'attaquant sur son principal titre de gloire, c'est-à-dire son titre de poète national. Mais dans cette entreprise de dénigrement, vous parliez d'Hugo, qui est une des inspirations de Fréchette. On va dire de lui que c'est un petit Hugo. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fort, trouble à certains égards, dans cette relation qu'entretient Louis Fréchette avec Victor Hugo. On écoute l'écrivain et homme de théâtre Victor Lévy-Beaulieu raconter la rencontre de Fréchette avec Victor Victor Hugo. Il va aller chez Hugo, à un moment donné, à l'émission Actuelle, en 1985. Louis Fréchette, pour être sacré ici, pour être national, a dû passer, je dirais, par son petit voyage initiatique à Paris. Et là, à un moment donné, il rencontre quelqu'un. Et puis ce quelqu'un-là lui dit, mais pourquoi vous n'allez pas voir Victor Hugo, vous qui l'admirez à ce point-là? Victor Hugo reçoit tous les soirs, vous avez qu'à envoyer votre carte à son secrétaire, et puis on va vous donner rendez-vous, vous pourrez vous y rendre. Alors évidemment, Fréchette, je dirais fou comme un balai, envoie sa petite carte à une réponse, comme quoi il est invité un soir. Alors il entre chez Victor Hugo, et puis là, on le fait entrer dans une espèce d'antichambre, et là, il y a d'autres gens qui sont là, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, à un moment donné, Victor Hugo arrive, parle avec une madame qui venait chercher des choses, qui venait mendier, en fait, pour parler plus carrément. Et Victor Hugo se méprend totalement sur Louis Fréchette, pense que lui aussi est un mendiant. Et Victor Hugo lui demande, « Mon cher ami, qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quoi avez-vous besoin? » etc. Alors, Fréchette, il est tout en larmes, il tombe à terre, c'est le cas de le dire. Et puis là, il essaie de dire à Victor Hugo que non, il s'est trompé, il y a une méprise. Lui, c'est un écrivain canadien, alors qu'il vient de l'autre bord de l'Atlantique. Et là, il se rend compte d'un drame qui est terrible pour lui. Victor Hugo est sourd, il ne le comprend à peu près pas. Alors, ça fait tout un quiproquo. Et puis, Victor Hugo lui permet, à cause de la méprise, de venir s'asseoir à la table. Et Louis Fréchette est tellement ennubilé par Victor Hugo qu'il ne prend pas, même pas la peine de se demander qui sont les autres personnes autour. Il ne voit que Victor Hugo et pour lui, comme il dit à la fin de son texte, il dit « Bon, quand j'ai vu Victor Hugo, au fond, c'est comme si j'avais eu le bon Dieu devant moi. Et s'il avait eu un peu moins de pudeur, je pense qu'il aurait ajouté « Et devant le bon Dieu, on s'était... » Alors, comment résumer? C'est succulent ce qu'on vient d'entendre, mais comment résumer ce rapport qu'a Louis Fréchette avec Victor Hugo? Effectivement, Louis Fréchette cherchera toujours à être le Victor Hugo du Québec. Hein, et ça va évidemment produire chez lui des effets un peu étonnants et un peu cocasses. Hein, en fait, il y a quelque chose d'un peu ridicule dans la manière qu'a Fréchette d'imiter un peu servilement Victor Hugo. Lorsqu'il sera en exil à Chicago, à partir de 1866, il va publier donc un recueil de poèmes qui s'intitule « La voix d'un exilé ». Et il va adopter dans ce recueil de poèmes une posture qui est celle de Victor Hugo lorsqu'il écrit « Les châtiments ». Victor Hugo, évidemment, a fui la tyrannie de Napoléon III et a dénoncé avec beaucoup de virulence le régime autoritaire du Second Empire. Le problème, c'est que, bien sûr, Louis Fréchette est loin d'être un exilé politique. Hein. S'il a fui aux États-Unis, c'est uniquement pour éviter la prison pour dette. Oui. Donc, évidemment, c'est un peu difficile de croire cette mise en scène cherche, évidemment, à faire penser à Victor Hugo. C'est pas pour des raisons politiques qu'il a dû partir aux États-Unis. De la même façon, lorsqu'il écrit son grand recueil épique, La légende d'un peuple, il s'inspire du titre d'un recueil de Victor Hugo, La légende des siècles, que Victor Hugo publie en 1859. Simplement, là encore, malheureusement, Fréchette ne sort pas grandi de la comparaison parce que La légende des siècles, c'est ni plus ni moins que la célébration de l'histoire de l'humanité des origines à nos jours. Hein. Donc, il y a vraiment un souffle proprement hugolien dans La légende des siècles. Alors, La légende d'un peuple, c'est un grand recueil de poésie épique, certes, mais qui célèbre uniquement l'histoire du Canada français. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu, je dirais, difficile à assumer comme comparaison entre les deux. On a parfois l'impression de Fréchette comme d'un nain qui cherche à se hisser sur les épaules d'un géant. Ouais. Et donc, Victor Lévy-Beaulieu racontait cette première rencontre qui sera une amère déception pour Louis Fréchette parce qu'il va constater que Victor Hugo ne connaît pas le Canada. Hein, que Victor Hugo, par exemple, ignore qu'il y a encore des francophones qui parlent et écrivent en français. Alors, c'est évidemment un dur constat pour celui qui a constamment idéalisé le grand écrivain français. On va terminer cette émission en revenant au conteur dont nous parlait Jean-Claude Germain au tout début de l'émission, le conteur Fréchette, et l'importance qu'aura pour ce conteur, Louis Fréchette, l'incontournable figure de Joe Violon. C'est toujours le même vieux conteur qui parle. Et ce vieux conteur, c'est Joe Violon. Écoutez-le, alors qu'il vous raconte l'invraisemblable histoire de Coq Pomerleau. Cric, crac, les enfants, parli, parlo, parlons, pour en savoir le court et long, passez le crachoir à Joe Violon. Sac à tabis, sac à tabac, à la porte, les ceux qui écouteront pas. À mon avis, l'intention de Fréchette dans les contes de Joe Violon n'est pas du tout de... Comment dire, n'est pas du tout de promouvoir une certaine forme de culture ou de langage populaire. Fréchette nous présente un personnage qui s'appelle Joe Violon. Il nous présente des croyances, il nous présente d'autres personnages, il nous présente un milieu, mais comme des curiosités, à mon avis. Et absolument pas pour les célébrer ou pour en montrer la grandeur ou pour montrer que c'est meilleur que, par exemple, la société contemporaine dans laquelle on vit. Au contraire, le point de vue de Fréchette est tout à fait l'inverse. Fréchette, il ne faut pas l'oublier, est un libéral pour qui toutes ces légendes, tous ces types populaires appartiennent au passé et à un passé qui doit être remplacé par un esprit nouveau qui est celui de l'idéologie libérale de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire la science, le progrès industriel. Toute cette société est vouée à la disparition. Et lorsque Fréchette donc nous présente ces personnages, il nous les présente comme des curiosités venues d'un monde disparu ou sur le point de disparaître, ou dont il souhaite ou attend ou prévoit la disparition. L'essayiste québécois François Ricard à l'émission Documents en 1979. Et juste avant, vous entendiez un extrait d'une adaptation à la radio d'une nouvelle de Joe Violon à l'émission Première en 1978. Parlez-nous de ce rapport entre Joe Violon, cette filiation peut-être entre Joe Violon et Louis Fréchette, Claude Lacharité. Oui, Jean-Claude Germain parlait de la double vie littéraire de Fréchette. Hein? Donc Fréchette, d'un côté, le poète officiel à la langue très châtiée, très littéraire, et de l'autre, donc Fréchette, le conteur à la langue truculente, populaire, qui exploite le folklore du peuple québécois. Je pense qu'en fait, Fréchette essaie d'exploiter un autre registre, un autre genre, en écrivant les contes de Joe Violon. Et il a visiblement beaucoup de plaisir à transcrire cette langue orale, qui est vraiment une langue inédite, inusité, à une époque où les écrivains quand même éprouvent une certaine répugnance à l'égard de cette langue qui semble être une langue pauvre, une langue qui est trop différente du français normatif pour être véritablement écrite. Je pense que Fréchette fait une utilisation très, très intelligente hein, de ce matériau précieux qui est le français populaire québécois de la fin du 19e siècle. Et c'est pour lui aussi une façon de renouer avec ses origines parce que Louis Fréchette, bien qu'il soit devenu un personnage très, très respectable avec un rayonnement international, c'est quelqu'un qui avait des origines modestes. Son père était agriculteur et je pense que pour lui, quand il écrit ses contes de Joe Violon, c'est un peu comme s'il renouait avec la langue de son enfance et la langue de son milieu social d'origine. Au final, puis je reviens à l'extrait de Jean-Claude Germain au tout début de l'émission, lui préfère nettement le Louis Fréchette conteur, celui de Joe Violon. Qu'est-ce qu'on a retenu de lui? Qu'est-ce que la grande histoire de la littérature a retenu d'abord de Louis Fréchette? Le grand poète ou le conteur? C'est compliqué, à trancher comme débat parce qu'en réalité, pendant très longtemps, Louis Fréchette a resté le poète national, tout simplement parce que c'était uniquement ses poésies qui étaient éditées, facilement accessibles. Je dirais, le regain d'intérêt pour le Fréchette conteur, c'est quelque chose de tout à fait récent, qui date peut-être de 10 ou 15 ans seulement. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, Fréchette aurait aimé qu'on publie l'intégralité de ses œuvres complètes, c'est-à-dire poésie et œuvres en prose comprises, sauf qu'il va mourir trop tôt. Et son éditeur Beauchemin, en 1908, va se contenter de ne republier que ses poésies. Et ça va contribuer à entretenir l'image du poète national au détriment de l'excellent prosateur qu'il a été par ailleurs dans les contes, mais pas uniquement, aussi dans ses mémoires intimes, dans Originaux et détraqués et dans beaucoup d'autres œuvres. Claude Lacharité, auteur, professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.